Le premier consul profite des 3 années de paix qui éclairent le début du 19e siècle pour faire œuvre de législateur et dans une légalité définitive aux libertés acquises par la Révolution. Ces libertés, on n'en parlera plus bien longtemps. En effet, comme l'écrit son ennemi intime, Madame de Staël, déjà, les institutions monarchiques s'avançaient à l'ombre de la République. Bientôt, l'épopée impériale légitimera le despotisme et Chateaubriand pourra écrire « Tout tremble devant le tyran. Il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce. » L'empereur ne daignera pas contester. Chateaubriand croit-il que je suis un imbécile? Je le ferai sabrer sur les marches de mon palais. L'épopée impériale, c'est aussi l'apothéose de l'armée. Cette grande armée, popularisée par l'imagerie, vieux grognards et jeunes gardes, casques à crinière des cuirassiers, colbacs des chasseurs à cheval, ondoyant au-dessus des voltigeurs coiffés du shako et des grenadiers arborant le fameux bonnet à poils. Maréchaux deviennent les enfants chéris du régime. Gorgés d'or, chargés d'honneur, couverts de gloire, Murat, fils d'un aubergiste, Augereau, ancien maître d'escrime, Lefebvre, l'époux de Madame Sangène, ont reçu des duchés. Ils exhibent des doigts chargés de diamants, de flamboyants plumets et des uniformes d'opérette surbrodés de passementeries. L'empereur distribue les couronnes avec largesse. Murat, son beau-frère, va recevoir la couronne de Naples. De ses frères, Joseph sera roi d'Espagne, Louis, roi de Hollande, Jérôme, roi de Westphalie, Eugène, le beau-fils, vice-roi d'Italie, Elisa et Pauline, ses sœurs, grandes duchesses, son oncle Fesch est fait cardinal. Le clan Bonaparte est largement pourvu. Seul Lucien sera oublié. Son mariage contre la volonté de l'empereur effacera dans l'esprit de celui-ci les éminents services rendus le 19 Brumaire. Napoléon n'a-t-il pas dit « Je ne puis plus avoir de parents dans l'obscurité. Ceux qui ne s'élèveront pas avec moi ne seront plus de ma famille. J'en fais une famille de rois. » Plus tard, il confiera à Metternich « Mes parents m'ont fait plus de mal que je ne leur ai fait de bien. » Et Stendhal conclura, il eût été beaucoup plus heureux pour Napoléon de n'avoir point de famille. Comme toujours, l'apogée est brève, et plus que jamais la chute rapide. L'aventure d'Espagne marque déjà le commencement de la fin. Un témoin rencontre, en avril 1808, l'empereur en route pour Bayonne. Ce n'était déjà plus ce jeune premier consul que j'avais rencontré pour la première fois, arpentant lestement les Tuileries, donnant son bras droit à Bourrienne, tenant sous le gauche un petit sabre turc, svelte, dégagé, le teint olivâtre et le regard jaune. Même à l'extérieur, tout était changé. Le buste était court et épais, les petites jambes charnues, le teint plombé, le front chauve, la figure affectant la médaille romaine. En lui, tout sentait l'empereur, et l'empereur des plus mauvais jours. L'Espagne pourrit une partie de l'armée alors que les campagnes de Russie, de Saxe et de France détruiront le reste. L'implacable conscription ne compensera pas les 200 000 hommes harcelés par la guérilla espagnole, ni les 100 000 autres immobilisés dans les garnisons allemandes et qui manqueront tant aux conquérants lors de son reflux. Fameuse colonne, et fièrement il célébrait les guerriers que chérit Bellone. Avec orgueil, tour à tour, il chantait les triomphes dont s'illustraient les nôtres. Ah, ah, c'est qu'il battait les Autrichiens comme les autres. Ah, ah, c'est qu'il battait les Autrichiens comme les autres. Et d'Austerlitz et d'Iéna, les Français gardent la mémoire. Et de Soult et de Masséna, rien ne peut effacer la gloire. Des ennemis qu'alors ils combattaient, les bataillons fuyaient devant les nôtres. Ah, ah, c'est qu'ils battaient les Autrichiens comme les autres. Ah, ah, c'est qu'ils battaient les Autrichiens comme les autres. Pauvre armée française. Les aigles impériales remportent un dernier succès à Ligny, qu'une lieue à peine sépare de Fleurus. Fleurus, illustré deux fois déjà par les victoires du maréchal de Luxembourg et de Jourdan. Et puis, c'est l'affrontement décisif. Waterloo. Waterloo. Waterloo. Morne plaine. Comme une onde qui boue dans une urne trop pleine. Dans ton cirque de bois, de coteaux, de vallons, la pâle mort mêlait les sombres bataillons. D'un côté, c'est l'Europe, et de l'autre, la France. Choc sanglant. Des héros, Dieu trompait l'espérance, tu désertais, victoire. Et le sort était là. Oh, Waterloo, je pleure et je m'arrête, hélas. Car ces derniers soldats de la dernière guerre furent grands. Ils avaient vaincu toute la terre, chassé 20 rois, passé les Alpes et le Rhin, et leur âme chantait dans les clairons des reins. Le soir tombait. La lutte était ardente et noire. Il avait l'offensive et presque la victoire. Il tenait Wellington, acculé sur un bois. Sa lunette à la main, il observait parfois le centre du combat, point obscur où tressaille la mêlée, effroyable et vivante broussaille, et parfois l'horizon sombre comme la mer. Soudain, joyeux, il dit « Gaucher !» C'était Blücher. L'espoir changea de camp, le combat changea d'âme. La mêlée, en hurlant, grandit comme une flamme. La batterie anglaise écrasa nos carrés. La plaine, où frissonnaient les drapeaux déchirés, ne fut plus, dans les cris des mourants qu'on égorge, qu'un gouffre flamboyant, rouge comme une forge. Gouffre où les régiments, comme des pans de murs, tombaient, où se couchaient comme des épimures les hauts tambours-majors, aux panaches énormes, où l'on entrevoyait des blessures difformes. Carnage affreux. Moment fatal. L'homme, inquiet, sentit que la bataille entre ses mains pliait. Derrière un mamelon, la garde était massée, la garde. Espoir suprême et suprême pensée. Allons, faites donner la garde, cria-t-il. Et lancier, grenadier aux guêtres de Coutil, dragon que Rome eût pris pour des légionnaires, cuirassiers, canonniers, qui traînaient des tonnerres, portant le noir colbac ou le casque poli, tous ceux de Friedland et ceux de Rivoli, comprenant qu'ils allaient mourir dans cette fête, saluèrent leur dieu debout dans la tempête. Leur bouche, d'un seul cri, dit « Vive l'empereur !» Puis, à pas lents, musique en tête, sans fureur, tranquille, souriant à la mitraille anglaise, la garde impériale entra dans la fournaise. Hélas, Napoléon, sur sa garde penchée, regardait, et, sitôt qu'ils avaient débouché, sous les sombres canons crachant des jets de soufre, voyait l'un après l'autre, en cet horrible gouffre, fondre ses régiments de granit et d'acier, comme font une cire au souffle d'un brasier. En ce 18 juin 1814, les fautes de l'empereur, plus encore que l'indécision de Grouchy et l'aberration de Ney, provoquent l'inévitable désastre. La France avait perdu la bataille. Elle avait aussi perdu la guerre. Maintenant, c'est l'expiation. Un rocher stérile perdu dans l'océan, voilà, écrit Chateaubriand. Où allait loger celui dont 85 500 000 âmes avaient reconnu la domination ou celle de sa famille, à qui la moitié de la population chrétienne avait obéi, dont les ordres étaient exécutés dans un espace qui comprenait 19 degrés de latitude et 30 degrés de longitude. La fin est, hélas, lamentable. À Sainte-Hélène, l'empereur déchu persécute ses compagnons d'exil, ou plutôt de déportation, déjà aigri par les déceptions, les jalousies, les haines. Il prépare sa future légende en envenimant consciemment les rapports avec son geôlier Hudson-Lo, en vérité plus bête que méchant. Il fait, pour l'histoire, de cet imbécile un bourreau. « Jésus-Christ, dit-il, ne serait pas Dieu jusqu'à présent sans sa couronne d'épines. C'est son martyr qui a parlé à l'imagination des peuples. » De sa fin de carrière, voici le saisissant résumé qu'en fait Musset. Chaque année, la France faisait cadeau à cet homme de 300 000 jeunes hommes. C'était l'impôt payé à César. Et s'il n'avait ce troupeau derrière lui, il ne pouvait suivre sa fortune. C'était l'escorte qu'il lui fallait pour qu'il puisse traverser le monde et s'en aller tomber dans une petite vallée d'une île déserte sous un saule pleureur. Le poète s'accommode mieux de sa disparition que des millions de Français. Ceux qui avaient combattu sous ses ordres l'avait surnommé, tour à tour, le petit caporal, la violette, le petit tondu, l'autre. Depuis sa chute, il le saluait du plus beau de ses surnoms, l'homme. Près du rouet de sa fille chérie, le vieux sergent se distrait de ses mots. Et d'une main que la balle a meurtrie, berce en riant deux petits-fils jumeaux. Assis tranquille au seuil du toit champêtre, son seul refuge après tant de combats, il dit parfois, ce n'est pas tout de naître, Dieu mes enfants vous donne un beau trépas. Il dit parfois, ce n'est pas tout de naître, Dieu mes enfants vous donne un beau trépas. Dieu mes enfants vous donne un beau trépas. De quel éclat brillaient dans la bataille ses habits bleus par la victoire usée. La liberté mêlait à la mitraille des fers rompus et des sceptres brisés. Les nations règnent par nos conquêtes, saignaient de fleurs le front de nos soldats. Heureux celui qui mourut dans ses fêtes, Dieu mes enfants vous donne un beau trépas. Heureux celui qui mourut dans ses fêtes, Dieu mes enfants vous donne un beau trépas. Dieu mes enfants vous donne un beau trépas. Sa fille alors, interrompant sa plainte, tout en filant, lui chante à demi-voix. Ses airs proscrits, qui les frappant de crainte, ont en sursaut réveillé tous les rois. Peuple, à ton tour, que ces chants te réveillent, il en est temps, dit-il aussi tout bas. Puis il répète à ses fils qui sommeillent, Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas. Puis il répète à ses fils qui sommeillent, Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas. Dieu, mes enfants, vous donne un beau trépas. Déjà après l'île d'Elbe, mais surtout après Sainte-Hélène, l'image écrasante mais éphémère de l'empereur d'Occident, du successeur de Charlemagne, s'évanouit pour faire place aux soldats de la Révolution, aux martyrs des Anglais. La France s'est trop confondue avec son héros tant qu'il était heureux pour l'abandonner lorsque les fautes commises eurent été suivies d'une commune expiation. Dans l'éloignement, écrit Lucas du Breton, la figure de Napoléon se nimbe de vertu, de douceur. Le despotisme, la conscription impitoyable, le sang versé, les campagnes dépeuplées, tout cela s'oublie. Une ferveur, une espérance mystique naissent et, insensiblement, le culte de l'empereur va s'étendre. On ne pardonnera pas aux Bourbons l'invasion, l'humiliation nationale, la réaction ultra-royaliste à laquelle se prête un monarque rentré dans les fourgons de l'étranger. Les demi-soldes s'agitent, les conspirations se multiplient. Les auteurs de drames et de vaudevilles, exploitant le chauvinisme triomphant, montrent un digne retraité qui bat les ennemis dans des couplets consacrés à la gloire de la France. Alexandre Dumas peut écrire plaisamment qu'on venge Leipzig et Waterloo sur le champ de bataille du gymnase et des variétés. Né dans le peuple, qui unissait depuis longtemps et sans peine dans son esprit la liberté et Napoléon, le mouvement bonapartiste gagne peu à peu les intellectuels. Lorsqu'il apprend la mort du prisonnier, Edgar Quinet s'écrie « Il fit de nouveau irruption dans mon esprit. Il revint hanter mon intelligence, non plus comme mon empereur et mon maître absolu, mais comme un spectre que la mort a presque entièrement changé. » Nous revendiquions la gloire comme l'ornement de la liberté. Stendhal estime maintenant Napoléon de tout le mépris que lui inspire ce qui est venu après lui. pour Renan, l'épopée napoléonienne est l'Iliade de la France. Et son héros, l'initiateur des grandes choses, celui qui fait tressaillir la fibre et étinceler l'œil. L'empereur deviendra l'un des ferments les plus riches et les plus agissants de la littérature mondiale. Hugo, Béranger, Erckmann Chatrian, Byron, Heine, Manzoni, Petőfi et bien d'autres, en prose ou en vers et dans toutes les langues, vont chanter, glorifier, pleurer Napoléon le Grand. Il inspirera aussi les musiciens Berlioz, Wagner, Schumann. Wer mir Bruder eine Bitte, wenn ich jetzt sterben werde, so nimm eine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde, das Ehrenkreuz am roten Band sollst du aufs Herz mir legen. Die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir um den Degen. So will ich liegen und horchen still wie eine Schildwacht im Grabe, bis einst ich höre Kanonengebrüll und wiehernder Rosse Getrabe. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab, viel Schwerter klirren und blitzen, viel Schwerter klirren und blitzen. Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab, den Kaiser zu schützen. Lorsque Louis-Philippe rapatriera en France les restes mortels de l'empereur, bien peu estimeront que les cendres de Napoléon ne sont pas encore assez froides pour qu'on puisse y toucher. Presque seul à prévoir les conséquences d'une malsaine exaltation, Lamartine trouvait de beaux accents pour la combattre. Je ne crois pas qu'il soit bon de déifier ainsi sans cesse la guerre. De surexciter ces bouillonnements déjà trop impétueux du sang français qu'on nous représente comme impatient de couler après une trêve de 25 ans. Comme si la paix, qui est le bonheur et la gloire du monde, pouvait être la honte des nations. <t'->